corps qui change, qui se modifie. La voix comme un temple, Joran a senti secret, mardi 19 août à 9h. Bonjour, c'est Michel Monette au micro et c'est l'heure des oreilles ailleurs. On va débuter dans cette première demi-heure avec des artistes allemands. En commençant par Philippe Poisel. Philippe Poisel, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé à travers l'Europe, qui s'est beaucoup baladé à travers l'Europe. Il a débuté en 2008. Il a un album qui s'appelait... attendez un petit peu que je retrouve, qui s'appelait Ho Fang Dien Himmel An. Et donc, il a poursuivi par la suite. On va écouter de lui une chanson qui s'appelle Zunde Alle Fuhr. C'est tiré de l'album Bisnack Toulouse et Eisenersteg. C'est un album paru en 2012. Il avait aussi fait paraître un album en 2010, donc 2008, 2010, 2012. On va enchaîner avec Neil Kuprock. Neil Kuprock qui a été le leader, le chanteur du groupe Fink. C'est lui qui écrivait la musique et les textes de ce groupe. Il jouait la guitare, le banjo, l'harmonica. Il y avait une petite galerie même d'art, la galerie Neu. Il a tenté de faire les deux, c'est-à-dire à la fois musicien, à la fois peintre, mais il a abandonné cette distinction. Il a mélangé les deux. Son site internet publie des travaux de Sam. C'est le pseudonyme sous lequel il a dirigé diverses salles d'exposition. Il a fait ça pendant quelques années. Hélas, à l'âge très jeune de 46 ans, il est décédé le 10 octobre 2012. On va écouter de lui... Den Teufelton, ça c'est tiré de l'album du même nom, Den Teufelton, un album paru en 2007. Commençons avec Philippe Poisel. Ich liebe dich und alles. Sang dieses Mädchen, allein am schwarzen Tümpel will ich knien. Wenn alle anderen fürchten oder tot sind, setz ich meinen letzten Mut aufs Spiel. Gegen alle Furcht und jede Einsicht fordert sie den Teufel aufzuziehen. Seinem eigenen Sumpf soll er ertrinken, so schön sang sie am Abgrund dieses Lied. Ich wünschte, dass ich wüsste, was sie sang, ich wünschte mir, ich hätte dieses Lied. Dann würde ich singen, singen, singen, doch ich hab nur die. Wasser, letzte Zeiten, ohne Grund ist dieser schwarze Teil, und ohne Grund zerstören wir, was wir halten. Am Anfang und am Ende sind wir gleich. Sie sang die Dummheit aus den dummen Leuten, dem Unrecht sang sie frei weg ins Gesicht. Sinn hat sie einfach weggesungen und Dunkelheit sang sie zurück ins Licht. Ich wünschte, dass ich wüsste, was sie sang, ich wünschte mir, ich hätte dieses Lied. Dann würde ich singen, singen, singen, doch ich hab nur die. Will ich tun, sang dieses Mädchen. Allein am schwarzen Tümpel will ich knien. Wenn alle anderen fürchten oder tot sind, setz ich meinen letzten Mut aufs Spiel. Ich wünschte, dass ich wüsste, was sie sang. Ich wünschte mir, ich hätte dieses Lied. Dann würde ich singen, singen. Ich wünschte, dass ich wüsste, was sie sang. Ich wünschte mir, ich hätte dieses Lied. Dann würde ich singen, singen, singen. Doch ich hab nur die. Nils Koproc, auteur, compositeur, interprète allemand, décédé beaucoup trop tôt, à l'âge de 46 ans. On va poursuivre avec une chanteuse qui a qui a eu beaucoup de succès en Allemagne. En fait, elle a attiré l'attention du public à partir du moment où elle a remporté un concours télévisé en 1970. Elle a été une chanteuse populaire par la suite en Allemagne. Non seulement elle a sorti des disques, non seulement elle a fait des spectacles, mais elle a aussi joué. C'est une actrice. Elle a joué la version allemande des monologues du vagin. Elle a écrit aussi beaucoup de livres sur la religion, la spiritualité. Présentement, elle est naturopathe. C'est Julianne Wirding. On va l'écouter dans Am Tag als Conny Kramer starb. C'est une chanson tirée de l'album Mein Portrait, un album paru en 2010. Ensuite, on va écouter une autre allemande, beaucoup plus jeune, Kate. Kate est de Hambourg. Elle est déjà assez populaire en Allemagne, en Suisse, en Autriche, avec deux albums, Ich muss gar nicht et Verschollenes Tier. Elle a un groupe derrière elle qui l'appuie assez solidement. Elle a une voix assez exceptionnelle aussi. Elle est donc vraiment intéressante. Je vais suivre sa carrière parce que je pense qu'elle va avoir une belle carrière. On va l'écouter dans la chanson. Attendez un petit peu. Dans la chanson digne d'un album qui s'appelle Kate Live. C'est un album paru en 2013. Donc, Julianne Wirding, suivie de Kate. Wir lagen träumend im Gras, die Köpfe voll verrückter Ideen. Da sagt er nur zum Spaß, komm, lass uns auf die Reise gehen. Und der Rauch schmeckte bitter, aber Conny sagte mir, was er sah. Ein Meer von Licht und Farben, wir ahnten nicht, was bald darauf geschah. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Versprach oft, ich lass es sein, das gab mir wieder neuen Mut. Und ich redete mir ein, mit Liebe wird alles gut. Doch aus den Joints, da wurden Trips, es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn. Die Leute fingen an zu reden, aber und alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Beim letzten Mal sagte er, nun kann ich den Himmel sehen. Ich schrie ihn an, nur komm zurück. Er konnte es nicht mehr verstehen. Ich hatte nicht einmal mehr Tränen. Ich hatte alles verloren, was ich hab. Das Leben ging einfach weiter. Mir bleiben nur noch die Blumen auf seinem Grab. Glocken klangen am Tag, als Gon die Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Am Tag, als Gon die Kramer starb. Ding par la chanteuse allemande Kate. Je vous ai dit que c'était une artiste qui était à surveiller. Elle a déjà deux prix prestigieux à son actif. D'abord le prix GEMA, c'est pour qui récompense des auteurs en 2012 et dans la catégorie rock, mais aussi le prix Fred J en 2013. Le prochain groupe est un groupe, ma foi, mythique en Allemagne, plus particulièrement pour la partie est de l'Allemagne. Là, on va reculer dans le temps, on va se déplacer jusqu'en 1985, avant la chute du mur de Berlin. Le groupe s'appelle Silly. C'est un groupe qui avait pratiquement un statut de culte parce qu'il osait critiquer le pouvoir. Il le faisait quand même assez discrètement, mais ils osaient critiquer le pouvoir. Et malheureusement, la charismatique chanteuse du groupe Tamara Danz est décédée, je crois que c'est en 1990, oui, dans ces eaux-là, en 1996 qu'elle est décédée. Il y a une nouvelle chanteuse, le groupe a d'abord cessé, puis ils ont repris récemment, il y a une nouvelle chanteuse. J'aurai probablement l'occasion de vous faire jouer une pièce plus récente du groupe Silly, mais là je vais vous faire jouer une pièce qui date de 1985 et qui est parue sur un album Liebeswalzer. La pièce s'appelle Die Ferne. Liebeswalzer, c'est un album qui avait été sorti d'abord dans un premier temps, qui avait été même qui avait même été pressé et tout ça, qui était sur le point de sortir. Il était vraiment prêt à être sorti, mais les autorités de l'Allemagne de l'Est ont décidé que il ne sortirait pas. Ils ont donc mis le sceau unapproved sur l'album, et l'album a été sous le boisseau, et en tout cas il n'a pas pu être vendu carrément. Il y a une nouvelle version qui est ressortie plus tard, mais enfin voilà, c'était comme ça à l'époque. Et oui, on va écouter donc Die Ferne de l'album Liebeswalzer, un album paru en 1985. Vous comprenez qu'il a été réimprimé par la suite, qui est ressorti par la suite. On les écoute donc, ce groupe d'Allemagne de l'Est, un peu contestataire sur les bords. Doppelschuh.

on comprend pourquoi quand on les écoute. On va écouter une chanson qui s'appelle Maïgé Vesna. Ça, c'est tiré d'un album paru en 2010 de Best Of. Ensuite, on va écouter un groupe très populaire russe, cette fois-ci Splin. C'est un groupe de Saint-Pétersbourg. Ça fait quand même depuis 1994 qu'ils roulent leur boss Splin. On va écouter de Kotani Ouspien. Ça, c'est tiré de l'album Tchernaviki. C'est un album tout récent, un album paru en 2014. D'abord, on écoute Okean Elsi. We'll be right back. Этими ночами я живу, а днем хочу умереть. Хочу раздвинуть эти стены и уйти сквозь телефонную сеть. Звезда за поясом, как нож над поездом, я должен успеть. Я должен успеть. Я должен успеть. Я должен успеть. Завтра в этом доме будет чисто, если мы отыщем паука. Скорый поезд, сердце машиниста, стук колес в глазах проводника. Это не король, лишенный свиты, не корабль, повернутый вверх дном. Просто кто-то вышел на орбиту, просто кто-то тронулся умом, кто-то не успел. Хотелось докурить, допить вино и затеряться в толпе. Хотелось вылезти на крышу и уйти по водосточной трубе. Маяк над пристанью смотрит так пристально. Я должен успеть. Я должен успеть. Я должен успеть. Я должен успеть. Завтра в этом доме будет чисто, если мы отыщем паука. Скорый поезд, сердце машиниста, стук колес в глазах проводника. Это не король, лишенный свиты, не корабль, повернутый вверх дном. Просто кто-то вышел на орбиту, просто кто-то тронулся умом. Кто-то не успел. Кто-то не успел, кто-то не успел, кто-то не успел, кто-то не успел, кто-то не успел, кто-то не успел, кто-то не успел, кто-то не успел. C'était le groupe russe Spleen dans la chanson Tchernaviki. La chanson, pardon, Kota ni Uspien, tirée de l'album Tchernaviki. On va poursuivre, on va se déplacer jusqu'à l'Extrême-Orient, on va se déplacer jusqu'à Vladivostok. C'est Vladivostok, pardon, c'est là qu'est né le groupe qu'on va entendre, Mummy Troll. Pas la première fois que je vous fais jouer Mummy Troll. C'est un groupe qui a quand même beaucoup d'années derrière lui. C'est un groupe qui a été fondé en 1983. Le nom de Mummy Troll, c'est un clin d'œil aux Moomins de la Finlandaise Tove Jansson. Les Moomins, ce sont des gentils petits trolls qui ressemblent à des hippopotames. De Mummy Troll, on va écouter la chanson Kolima, tirée de l'album SOS Matrous. Ça, c'est un album paru en 2013. Et on va enchaîner tout de suite avec un groupe qui s'appelle The Night Snipers. Nochni Snipery en russe. Dans la chanson Ona Vukuskaya Zmi. Ça, c'est tiré de l'album Trigonometre. Triard, c'est un album paru en 2003. Ils sont venus à Montréal, le Night Snipers, en novembre dernier, je crois. Enfin, l'automne dernier, ils sont venus à Montréal. Et ce qu'on va entendre, c'est beaucoup plus acoustique que ce que les gens ont pu entendre. Je n'ai pas vu le spectacle à Montréal, mais c'est sûrement beaucoup plus acoustique que ce que les gens ont pu entendre à Montréal. The Night Snipers, c'est Diana Arbenina et Svetlana Surganova. Au moment où cette chanson, vous allez entendre cette chanson en 2003, elles sont ensemble, mais ce sont par la suite, elles sont parties chacune de leur côté. Ces deux femmes sont extraordinaires. Elles sont considérées comme des icônes du mouvement lesbien en Russie. Il faut le faire parce qu'on sait à quel point la Russie est homophobe. Ces deux femmes sont, elles ne se gênent pas, elles affirment publiquement leur lesbianisme. Elles le font dans une société où c'est vraiment difficile de se déclarer gay, lesbien ou toute autre attirance qui n'est pas conforme aux normes. On va donc écouter d'abord Kolyma de Mommy Troll et ensuite Ona Vukoskaya Zmi du duo The Night Snipers. Читай твой новый друг, мого сердца. Я телефона и не просил. Я знал и так, как их подруг. Там тащит следом холодных или ветреных, что сводит скулы от них и сводит даже с ума. Бестолочь, белая, белая ночь, черным начертом закат. Ты не даешь мне заснуть. Дороги будет момент, что стал и тверд, и труден. Собачек низко обдирает по ягод мгновенья. Для вкуса и как красоту поторопить по новой мечту. И глубже уходить в трактору с горя. Море, белая, белая ночь, черным начертан закат. Ты не даешь мне заснуть. Она выпускает змей, она улыбается мне. Я вижу ее силуэт в моем напротив окне. Я двигаюсь ей навстречу, я прячусь назад. Линзы не красят того, у кого слезятся глаза. Она выпускает птиц, она открывает окно. Она приглашает меня и дрожит, когда я смотрю на нее. В измученный шарф она незаметно прячет плечо. Она покупает платки, она меняет зонты. В ее снах горячо. Она променяла меня на пару дешевых фраз. Она испугалась меня, она захотела домой. Она любит тонкие кольца и бледный фаянс. Она вытирает пыль под песни мои. Достойный альянс. Она выпускает зайцев в дремучем лесу. Небесный вальсок и в дороге теряется соль. Она любит все, чего была лишена. Мне нравится в ней перспектива уехать в Сибирь. Не знаю, зачем мне было 17, ей было 143. Моим откровением стали причуды ее. Она мне подарит краски, я нарисую ее изнутри. Понравится плесно, хлороформа еще. Дыши и смотри. Она променяла меня на пару дешевых фраз. Она испугалась меня, она захотела домой. Она любит тонкие кольца и бледный фаянс. Она вытирает пыль под песни мои. На пару дешевых фраз. Она испугалась меня, она захотела домой. Она любит тонкие кольца и бледный фаянс. Она вытирает пыль под песни мои. Достойный альянс. The Night Snipers, Nochnye Snipir en russe, dans la chanson Ona Vuskuskaya Zmi. On va terminer cette demi-heure avec le chanteur du premier groupe qu'on a entendu, le groupe Okean Elzy. On va donc terminer cette demi-heure avec le chanteur Vitoslav Vakarchuk, qui est ukrainien. On va terminer avec la chanson Nye Plak. C'est une chanson tirée d'un album qu'il a fait en solo en 2011. La chanson s'appelle Bruxelles. Juste avant de la faire jouer, je tiens à vous rappeler qu'on est présentement en campagne de membership 2014-2015. Ça se déroule jusqu'au 5 septembre. C'est le moment pour vous de poser un geste concret envers nous, envers CKRL 89.1. Quand vous devenez membre de CKRL, vous soutenez l'indépendance médiatique, la relève artistique et la culture dans son ensemble. En devenant membre de CKRL pendant notre campagne de pré-membership, vous avez aussi la chance de participer au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ chez Sillon le Disquaire. Intéressant, n'est-ce pas? Le tirage va avoir lieu à 19h50 lors de la soirée de lancement de la prochaine saison de CKRL le vendredi 5 septembre dès 17h ici dans nos studios 405 sur la 3e avenue. Ça coûte 25$ être membre de CKRL. C'est pas beaucoup pour soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone au monde, pour soutenir la relève artistique de toutes les scènes, musique, arts visuels, théâtre, littérature, etc., pour démontrer votre attachement à une radio différente et indépendante, et pour profiter, en plus de tout ça, profiter de rabais chez différents marchands de la région de Québec. Pour devenir membre, vous pouvez appeler en semaine au 418-640-2575, poste 201, ou en tout temps, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous savez, vous avez pas sommeil, vous ouvrez votre ordinateur, vous allez à www.ckrl.qc.ca. Il y a un service sécurisé PayPal qui vous permet de devenir membre de CKRL pour 25$ et même de faire un don à CKRL si le cœur vous en dit. Merci beaucoup à l'avance. Donc, on écoute le chanteur ukrainien Sviatoslav Vakarchuk dans la chanson « Nié plaque ». Oh. CKRL 89.1. Le 28 septembre prochain, venez découvrir la course à pied la plus urbaine de Québec. Au cœur de la 3e avenue, la course de la cité Limoilou offre un parcours de 5 et 10 km pour les adultes et un itinéraire enfant de 1 km. Course rapide, ambiance familiale, paysage urbain et plaisir garanti. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. La course de la cité Limoilou vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, Actev, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Ici Laurent Patnaud, je vous invite du 6 au 14 septembre prochain à participer à l'International des musiques sacrées de Québec. Des voix, des œuvres et des rencontres bouleversantes qui feront vibrer la mémoire et le sacré. Procurez-vous votre passeport au 525-9777. À l'adolescence, il suffit souvent d'une oreille attentive pour aider, pour comprendre, pour encourager un jeune à poursuivre ses études et éviter ainsi de décrocher. L'éducation est la clé pour s'en sortir et s'assurer un avenir meilleur. Si votre ado cherche de l'aide et vit des difficultés, parfois, comme parent, on a besoin de ressources. Avec votre jeune, visitez jeunessejécoute.ca. Un message des Ursulines, fiers d'être partenaires de Jeunesse J'écoute. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter autour de vous tous les symptômes qui vous indiqueraient que ça ne va pas bien pour quelqu'un, un de vos proches, une personne de votre famille. On peut toujours aider des gens. On était en Allemagne dans la première partie de cette émission, les oreilles ailleurs. On s'est déplacé vers l'est, du côté de la Russie, et là on s'en va encore plus vers l'est, on s'en va du côté de la Chine et aussi de Taïwan. Vous vous demandez peut-être depuis tantôt, oui, mais c'est intéressant ce que vous faites jouer, mais comment je peux savoir, comment je peux retrouver tous ces artistes? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le blog de l'émission, lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs.net, et un peu plus tard dans la soirée, peut-être vers 19h, 19h30, vous allez avoir tout le nom de toutes les pièces, de tous les artistes qui ont joué et qui vont jouer d'ici la fin de l'émission d'aujourd'hui, ainsi que ceux qui ont joué dans les semaines précédentes. Vous allez avoir aussi la balado-diffusion, l'écoute audio de l'émission, mais ça, vous l'avez aussi sur le site www.5rl.qc.ca. Vous allez dans la programmation, vous cherchez les oreilles ailleurs, et vous allez retrouver la balado-diffusion après l'émission, évidemment, de cette semaine, et celle des semaines antérieures. Je crois que c'est 2 ou 3 ou 4 semaines antérieures. Enfin, profiter pour devenir membre de CKRL, évidemment, en tant qu'à aller sur ckrl.qc.ca. Donc, je vous ai dit qu'on était en Chine. On va débuter avec un groupe qui s'appelle Second Hand Roses. C'est un groupe électropop rock. C'est un groupe, donc, de Beijing, en Chine. C'est un mélange, je vous ai dit, rock. C'est un mélange plutôt d'instruments traditionnels chinois et de rock. J'aime beaucoup ce mélange, ces artistes qui utilisent des instruments traditionnels pour jouer de la musique moderne. Il y en a beaucoup, j'en ai rencontré dans plusieurs cultures depuis que je fais les oreilles ailleurs. Et en Chine, c'est fort intéressant, n'est-ce pas, de pouvoir écouter ça. Le chanteur s'appelle Liang Long et il a formé le groupe en l'an 2000. Ensuite, on va écouter on va laisser écouter dans la chanson Trick. C'est une chanson parue dans un album qui s'appelle Used Rose, un album paru en 2009. J'ai ouï dire que le dernier album était pas piqué des verres, mais alors ça, j'ai pas pu mettre la main sur ce dernier album. Ensuite, après avoir écouté de Second Hand Rose, on va écouter Red Flower Band. Eux, ils sont de Taïwan. C'est eux qui sont électropop rock. Eux, ils sont de Taïwan. C'est assez, d'ailleurs, ironique, Red Flower, parce qu'on sait, à quel point le rouge est associé au Parti communiste chinois. Les fleurs rouges de Taïwan, c'est assez ironique. On dit qu'ils sont à la limite entre la pop musique et l'indie. Ils ont été fondés en 2005. Ils ont une page Facebook Red Flower Band en un seul mot. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir sur cette page. Pas toujours évident, n'est-ce pas, d'apprendre ce qui se passe du côté de la Chine, du côté de Taïwan. Un peu plus facilement du côté de Taïwan parce qu'ils ont l'habitude de communiquer en anglais, en chinois. Un peu plus difficilement du côté de la Chine continentale. On va commencer par écouter ces deux groupes, d'abord Second Hand Roses dans la chanson Trick, et ensuite on va écouter An Kwan Gan. Ça, c'est tiré de l'album Sense of Security, un album du groupe Red Flower. Vous avez pu voir toute la différence, c'était Red Flower avec Anne Quan Gan. Vous avez pu voir toute la différence avec Second Hand Roses qui chantait la chanson Trick. Lonely China Day, le prochain groupe, il est de Chine, il est de Beijing même. C'est un groupe qui mélange des éléments de post-rock avec des beats électroniques, avec du bruitage aussi. Et de la magnifique poésie en mandarin. Je ne comprends pas le mandarin, si vous le comprenez, je suis jalouse de vous parce que j'aimerais beaucoup comprendre cette magnifique langue. On a comparé ce qu'ils font à Leif, à Mogda, à Mogwai, à Sigur Rós aussi. Ils sont, d'après un blog qui s'appelle Puddlegum, P-U-D-D-L-E-G-U-M, fort intéressant. En fait, c'est plus un endroit où on met de l'avant différents artistes, surtout indie. C'est un bel endroit pour aller voir ce qui est à l'avant-garde présentement, Puddlegum. D'après eux, dire qu'ils sont bons, c'est être en deçà de ce qu'ils sont, c'est vous dire. On va donc écouter de eux la chanson Day. Ça, c'est tiré d'un album qui est quand même assez ancien, quand même, qui date de 2001. Ensuite, on va écouter un artiste qui est à l'avant-garde en Chine, qui s'appelle Xiao He. C'est un être très créatif et on dit que sa créativité ne se tarit pas avec le temps qui passe. Il expérimente beaucoup, vous allez voir dans sa chanson, il expérimente beaucoup. Quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit, c'est un peu ce que faisait Bob Dylan dans le temps, mais vous allez voir que c'est autre chose, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même une certaine inspiration du folk dans ce qu'il fait. C'est trop petit comme échantillon, une seule chanson, je le comprends. La chanson s'appelle Record of Evaluation. C'est tiré de l'album The Performance of Identity. C'est un album paru, je crois, en 2011. On va d'abord commencer par écouter le groupe Lonely China Day dans la chanson Day. Ensuite, on va écouter Xiao He, Record of Evaluation. Thank you.

slane slađe, punije tanje, da ti pamet stane, remek dijela prirode, poglede mi odvode, kukove od slobode, pa se vi u valove masni, pitovi sa lavove šta rastu, u teškim vremenima, kuće trube s turbaturima, u žurebima i u molu s ciganima, trube samo trube, i vijuge mi ljube, rakijom vršim dezinfekciju duše, piva na zidiću, kad se tiču vrtiću, crno vino na kominu, se kipon ispod peke, neke stvari ne mogu ni ričima opisat, jednostavno su mi gaj disat. Jer sam slab na to, to je sam moj bol. Žene dance go, trube alkohol. Slab na to, to je sam moj bol. Žene dance go, trube alkohol. Jer sam slab na to, to je sam moj bol. Žene dance go, trube alkohol. Slab na to, to je sam moj bol. Žene dance go, trube alkohol. On a reconnu les influences nettement balkaniques du groupe Golem avec cette chanson Slab. Ils étaient un petit côté aussi sud-américain. Ils étaient avec Popey, P-O-P-E-Y. Je vais avoir l'occasion de revenir sur ce groupe en fait qui est d'Amérique du Nord mais qui s'inspire beaucoup des influences traditionnelles des Balkans. On va tout de suite enchaîner avec, on est en Amérique, on a traversé complètement l'océan Pacifique, tiens, on s'est emmené du côté de l'Amérique, on va descendre, on va aller au Brésil avec Siba qui a sorti un album qui s'appelle Avente. Un album fort intéressant. Siba, c'est un musicologue virtuose du Rabeca. C'est un violon légué par les Portugais à leur cousin du Brésil. Le Rabeca, c'est un album qui est une preuve de la perméabilité fertile des musiques au Brésil. Mais il y a d'ailleurs d'au Brésil le matin, le dimanche matin, aujourd'hui, la semaine prochaine, 11h, qui vous en donne aussi un bel exemple. De temps en temps, je fais un petit clin d'œil comme ça du côté du Brésil parce qu'ils ont des choses fort intéressantes et comme j'apporte les oreilles un peu partout ailleurs dans le monde, mais pourquoi pas du côté du Brésil aussi. On va écouter de Siba, on va écouter la chanson Canoa Furada. Ensuite, on va écouter une pièce qui est une musique d'un film VHS Kaklusha, une pièce d'un duo qui s'appelle Nechaise. C'est un duo tunisien, Nechaise. Et Nechaise, ça veut dire dissonance, cacophonie. C'est un duo tunisien formé en 1994. Il y a le oudiste Skander Bouassida et le guitariste Heykal Gwiza qui ont formé ce duo. Et ils ont au-delà d'une centaine de titres à leur actif, dont la musique originale du film VHS Kaklusha. Un petit peu curieux, c'est quelqu'un qui tourne un peu une espèce de tournage réalité quoi dans son entourage avec et qui met ça sur des cassettes VHS. Ils sont l'occasion, ces tournages, pour les habitants de son quartier d'échapper à leur quotidien morose et de vivre des instants intenses de la préparation jusqu'à la projection dans le café du coin. C'est intéressant, n'est-ce pas? On va écouter donc d'abord Canoa Furada de Siba. Ensuite, on va retraverser, on a traversé le Pacifique, on va retraverser l'Atlantique, on va aller du côté de la Tunisie avec Nechaise dans la chanson, en fait, qui s'intitule Tarzan el Arabe. Thank you. cascada e canoa, cochilei sem querer. E o rio me levou, se o velho no alto mar me largou. E a canoa velha deixou muita água minar. E eu nunca aprendi a nadar, será que essa água é molhada? A canoa furada já tá perto de afundar. Em vez de eu pescar o xaré, o saberé caraúna. Roubalo, tainha, sauna, camurim, camarão. Quem veio foi um tubarão pra me arrudear. Será que ele quer me lanchar? Será que eu aguento a dentada? A canoa furada já tá perto de afundar. Meu Jesus, me socorra, me acuda, mamãe. Meu Deus, mande alguém que me apanhe, mas não chega ninguém. E o meu celular não dá nem pra ligar a cobrar. Que a conta ficou sem pagar e a linha já tá bloqueada. A canoa furada já tá perto de afundar. Eu queria fazer uma prece para um santo qualquer. Que venha da onde vier, mas me tire daqui. O caso é que eu nunca aprendi como faz pra rezar. E também não ia adiantar, que reza de ateu não dá nada. A canoa furada já tá perto de afundar. A canoa furada já tá perto de afundar. A canoa furada já tá perto de afundar. A canoa furada já tá perto de afundar. هذاك شوي تحنين ها يا ارض شرب قاعد نخدم فيه هاني توا ترزون العرب لحماية المرأة من شغب الفيلم اللي توا قاعد نخدم فيه أنا توا طرزون العرب اللي حمات المرأة من شغب اللي هو أني وصف كحلوش أتصور فيه بعد من خرجي أني كنت نعيش في الغابة شوية تعار أني يعني ملك الغابة تسمى آخر مرة نتعار كانوا بيب سخف عليا غير الساسي ديما جيل الغابة عنده سامي كبيرة بتاعه بقر بقره في كل شيء سخف عليا هزني معه قال لي طول نزك الحجام حجم لي كل شيء وقال وردني نعيش معه في المجتمع في المدينة نهار من نهارات نهارش عنده بنت ولد وعرف قلت له قتلوا عرف وذا وقتل العائلة بتاعه كلا واحد بقر ما لقيت حتى واحد قلت صف وقاعه ومحروقه وديني وليت لقيت حتى حل وليت انتقمت منهم العصابة الكل هذوما انتخبت منهم واحد واحد قتلته قلت لي لك هو وليت بعد ما قلت معاش كون نعيش وليت رجعت الغابة متاع C'était le duo Neshez dans la chanson, dans la pièce Tarzan El Arab tirée du film VHS Kaklusha. On enchaîne avec Yacoub Abou Ghosh, deux pièces de Yacoub Abou Ghosh, pionnier de la musique alternative non seulement en Jordanie, mais aussi dans le monde arabe. On va écouter, tiré de l'album As Blue as the Rivers of Amman, les pièces Majgoul et Tal al-Safar. مشغول بالي على القمر صار له ليالي ما سأل على الحال يمكن نسي ويمكن هجر يمكن هوانا ما خطر على البال يا ناس ويا أهل السهر لو عالربابة وطلعت الموال وصلكم كلمة عتب يمكن يحن ويبعث المرسال مرسال ويا نسيم الحبايب أمانة عليك داوي روحي بنسمة هواك تعالي وعتبة بتنادي عليك والليالي ما إلها سواك تعالي وعتاب